personne te voit. Sasso Radio, en direct du NJP et de la Pep en Fête avec RCN, Déclic, Graffiti, RCL et Fadjet. Et il est 15h passé de 2 minutes et nous sommes ensemble jusqu'à 18h, vous l'avez entendu. Et bien, puisque les joies du direct nous imposent de modifier légèrement notre planning, nous allons jouer à cette heure-ci pour découvrir le Nancy Jazz Pulsation sous forme de musique. Alors pour jouer, ce n'est pas moi qui vais vous tester aujourd'hui, c'est ma chère Mathilde qui nous a rejoint autour de la table de Pulsation Radio. Tu nous as préparé un petit blind test, ma chère Mathilde. Exactement, je vous ai préparé un blind test sur cette saison, en gros, du NJP. Voilà, alors... Avant de répondre, je vous demanderai juste de laisser passer l'extrait parce que sinon je n'aurai jamais assez d'extraits si vous répondez directement. Très bien, donc on écoute d'abord l'extrait d'intégralité et ensuite on voit si on trouve. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé, mais alors je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce qu'autour de la table ça a personne trouvé... Je peux tenter un truc. Vas-y, tente. Vu qu'il y a de l'accordéon, c'est pas en français, en kipalène. Ouais, c'est ça. Bravo, bravo. Joli. Bravo. T'as un point bonus si tu me donnes le titre, chose que je doute. Je sais pas. Ok. Du coup, c'était vraiment anti-palanène. Et c'était le son Meluta. Et ils seront tout à l'heure, effectivement, sur le plateau de Pulsasso Radio à 17h30. Et on aura le plaisir de les recevoir. À 17h pile, pardon. Quelqu'un a la réponse? Je dirais Bigaranx. T'as le nom ou pas de la musique? Non. Bah c'était bien Bigarance et le nom de la musique c'était La Glace. Bigarance. Bravo, bravo. Me semble-t-il, sont déjà passés d'ailleurs. Un point pour Swan et un point pour Chloé. Exactement. J'aurais dit Brahma. Ouais, j'aurais tenté Brahma aussi, moi. Quelqu'un d'autre? Non, et bah c'était bien Brahma. Oh là là, on est trop fort. Le titre de la musique? Alors, aucune idée. Ah, ils l'ont dit, Badzoy, la joie? Non, ah, Roula. C'était pas celui-là, dommage. Et Roula. Donc, rappel des points, un point pour Swan, un point pour Chloé, un point pour Valentin et un point pour Vicky. Je pense qu'on va pas compter les points. On va si, moi je les compte. Sinon, quel intérêt de jouer? Alors, on passe à... Je pense à toi, à nous deux. Je vais pas bien, je vais juste mieux. Rien de très cartésien. Ma tristesse paraît bien comme ton sourire. Ternis pas de métro parisien. Fermez les yeux sur l'avenue des Champs-Élysées. Des ouvriers devant les pyramides déguisées. Tard le soir, peu d'espoir. Car il ne fait pas très beau quand je vais. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Je crois que je l'ai. J'ai envie de tenter Nodin, moi. Mais... Je crois que c'est Dinos. Ouais, c'est Dinos. Quelqu'un d'autre? Niki, depuis tout à l'heure, tu me regardes. J'ai dit Nodin. Ah, Nodin. Eh bien, c'est Flo qui a raison. C'est bel et bien Dinos. Ah, il est trop fort. Il que j'arrive dans le game pour prendre des points. Exactement. Ah, bravo, Flo. Un point. Exactement. Petit indice, c'est une artiste qui est passée vendredi. Je crois que je l'ai. Non, je sais pas. C'est qui? C'est pas Ambroise? Non. Bacala? Non. Ah, tout le monde se jette sur le planning là qu'on a sur la table pour vérifier de regarder les artistes. Elle est passée en même temps que Jazzy Bass et Dinos. Franchement, et ça y est, oui. Ouais, exactement. Merci Chloé. C'est Chloé. Et donc deux points pour Chloé. Non, on va se partager le point. Ça fait un et demi chacun. On va partager le micro. Si vous voulez, on compte les points pour vous. Ça fait que vous aviez 3 à 2. Voilà. Bon, le 3 points à tous les deux. Le temps qui se décide, on va passer à l'extrait suivant, je pense. J'ai la salmanie de viser la tempe, y'a peu d'MC de ma trempe. Je me sens comme si j'avais gratté le ticket gagnant. Souvent je me tâte à quitter la France. 80 points et 400 cas d'avance. Je suis l'éclair et le tonnerre sans la latence. Je peux penser différemment quand ça m'arrange. Le crâne dégarni comme un vieux savant. Je suis pas riche ici mais c'est mieux qu'avant. Le rap une discipline et un jeu d'argent. Tant que j'ai pas une petite piscine, aucun relâchement. Un soir de plus, à boire le jus de Satan. En me demandant jusqu'à quand. Faut que la roue tourne urgemment. J'ai le sablier braqué sur la tente. Il me semble que Gaspard a la réponse. C'est Jazzy Baz, élément 115, en fils avec Netflix. Oh, le vrai fan, il est allé. Deux points pour Gaspard qui remonte dans la course. Bien joué. Reste-t-il encore des sons, ma chère Mathilde? Oh, oui. Alors on peut passer au suivant. If you wanna play again. If you wanna play with me. If you wanna be my friend. Again, the sun with me sometime. Alors, est-ce que quelqu'un a la réponse? Alors, je l'ai pas du tout, mais j'ai beaucoup aimé le style. Ouais, t'as vu, c'est trop bien. C'est très très cool. C'est Jeanne Haddad, non? Ouais, de ouf. Oh, mais... un indice, mais bien joué. Gaspard, trop trop fort. Gaspard, 3 points qui remonte dans la course. Qui fait la course avec Flo et Chloé. Qui fait la course tout seul en tête là même. Hein. Bah, 3 points pour Flo et Chloé du coup. Qui jouent ensemble maintenant. Est-ce que t'as le nom du. Non, j'ai pas le nom. Ok, c'est Play Again. Et ben, je propose qu'on passe à l'extrait suivant pour départager nos deux concurrents. Que Flo a la réponse. Flo ? Je suis pas certain, mais c'est Nodin. Non. Moi, j'aurais tenté Monsieur Pélican. Mais t'es trop fort, Valentin. Ouais, j'ai reconnu un peu ce style posé. Ouais, Monsieur Pélican, qu'on a eu juste avant, très très sympathique. Et qui, on le rappelle, joueront à 16h15 au chapiteau. Exactement. Donc, je ne te demanderai pas le titre parce que c'est un live session à l'autre canal, mais bien joué. Extrait suivant. Facile d'écrire que de dire, de parler de ses faiblesses dans les livres. Mais j'ai pas le bon cours en ligne de mire. Et c'est dans mes lyrics que je me livre. J'ai mal au cœur, ça m'appuie sur la poitrine. Sur plus d'adrénaline, je mène ma vie à la badine. J'ai besoin de vacances même à la matine, ouais. Je suis angoissé, mes tifs tombent. Dans 10 ans, je finis rasé. Je suis dépressif comme dans cette fiction d'action de Boissé. Je me dis qu'il faut que les choses changent. Comme quand je regarde dans la glace de ma chambre. Quand je vois mon ventre à la lumière blanche. Et je comprends pourquoi ma silhouette penche. Alors, est-ce que Nodin, il est lorrain? Est-ce que Nodin, il est lorrain? Oui. Écoute, il est du Grand Est, en tout cas. Ouais, voilà. Je dirais lui, puisque... voilà. Ok. Quelqu'un d'autre? J'ai aucune idée de mon côté. Je sais pas. Je dirais Nodin aussi. La team Flo-Chloé? On valide. Et bien, effectivement, c'était bien Nodin. Bravo, Piki. Bravo, bravo, Nodin qui est passé à 14h tout à l'heure au Magic Mirror et qu'on devrait avoir à 15h30 sur ce plateau. Je crois qu'il nous reste un dernier extrait pour départager nos concurrents. C'est parti. Ça va aller très vite. C'est la soupe. Et quel est le titre? Agamuffy. Bravo. Ah bien, ouais. Bravo Swan, je pense qu'on peut attribuer ce point à Swan. Ah oui, je lui donne bien volontiers. Il y a beaucoup, beaucoup d'égalité. C'est vrai. Eh bien, je pense qu'on peut dire que le vrai gagnant, c'est le Nancy Jazz Pulsation. Exactement. Oh, et oui, et oui. Et justement, si vous avez aimé C'est la Sou, on va rester en sa compagnie puisque l'on va écouter Wanted You to Know. Juste après, nous devrions retrouver Tito sur le plateau de Pulsasso Radio. 5 radios s'associent, Déclic, RCN, RCL Graffiti et Fadjet pour vous faire vivre l'ambiance de la PEP en fait, comme si vous y étiez. Me, pardon me, probably trying to be gasoline, drunkly playing with matches. You kinda lucky that I found the patience. You got a lucky on my mind. I get no love unless you feel the magic. You told me what to do 1,000 times. How am I supposed to breathe? This shit is getting old, old. Open up your eyes and see. l'intérieur de ma poitrine. Les gens me pensent rien me dire, et quand je l'ouvre, que je me lève, on dit que je suis tard et que je suis pas. Et même ça n'a la force, il y aurait mon temps de parler sa vie. You're kinda lucky I disguise the sadness. You got a lucky on in my time. I get no love unless I please the masses. You told me just about a thousand lies. Faut chez mon cœur est pour infecté nécrosé. Je crois plus en la chance, non, mais pas le nord chrome. Bang, bang, bang, bang, je ne plains que dans la violence. J'implore le ciel, mais mon âme peut être sauvée. Pulsasso Radio, en direct du Nancy Jazz Pulsation et de la Pépinière en Fête, avec RCN, Déclic, Graffiti, RCL et Fadjet. We'll be right back. Sasso Radio, en direct du Nancy Jazz Pulsation et de la Pipinière en Fête, avec RCN, Déclic, Graffiti, RCL et Fadjet. Sasso Radio, en direct de 14h à 18h depuis la Pépinière en Fête et du NJP, avec RCN, Déclic, Graffiti, RCL et Fadjet. Et vous venez d'écouter le NCY Milky Bed avec Burnin à l'instant. Il est 15h23 et autour de la table, j'ai avec moi Hervé et Alain qui m'ont rejoint, mais surtout Tito qui nous rejoint pour Pulsasso Radio. Bonjour mon cher Tito. Bonjour. Mon cher Hervé, je te laisse poser des questions à notre invité. Oh, elles vont être relativement simples. Bonjour Tito. Alors Tito, quand je te vois, c'est un peu comme la jouvence de l'abbé Souris. Moi, tout va bien. Et... Oui. C'est bon, la jouvence de l'abbé Souris en drogue. En tout cas, c'est quelque chose qui fait à chaque fois un petit peu référence à l'histoire, finalement pas si ancienne que ça, parce que je me suis inspiré du livre de Hatno qui raconte des décennies de musique à Nancy et dans la région. Tu l'as vu ce bouquin ? Oui, bien sûr. Il est remarquable et j'ai appris, tu vois, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je sais maintenant pourquoi on t'a surnommé Tito. Voilà. Eh oui, c'était un épisode politico-sympathique. Oui, en tout cas, j'ai appris ça, tu vois, il n'y a pas de temps perdu. C'est ça les vieux, on n'a pas un truc à... Mais oui, mais bien sûr, en EHPAD avec Fabrice, un de ces jours, on va parler de beaucoup de choses. Alain ? Alors, bonjour Tito. Oui, bonjour. Bon, il y a pour ceux qui ne le sauraient pas, il y en a peut-être, ça m'étonnerait, mais enfin, on ne sait jamais. Je rappelle que tu es le président du festival. Oui, mais je n'ai pas été le premier président. Non, tu n'es pas assez vieux pour ça. Non, si, mais ça passe. Non, il y a eu, parce qu'on a créé l'association, en fait, après le début du festival. Hein, au tout début, c'était une production de la ville de Nancy qui nous avait confié, donc à le Centre culturel lorrain universitaire, qui nous avait confié l'organisation de ce festival. Et on est devenu autonome qu'un plus tard, en 78, et c'est là qu'il y a eu un premier président qui s'appelait Gilles Mutel, et moi je lui suis succédé en 79. Voilà. Alors, NJP, le premier NJP, c'était 1973. Il y a encore des gens, et toi et moi, on fait partie de ces gens-là, qui n'ont pas manqué une seule édition de NJP depuis 1973. Oui. Et il y a des musiciens aussi de 73 qui sont toujours en activité, hein, des gens très connus. Bernard Luba, Daniel Humer, Sécarelli, etc. Oui. Alors, 1973, 49 ans. J'étais pas né. Hein. Non, bien sûr, ça se voit. Ouais. Et 49 ans, forcément, l'année prochaine, ça sera le cinquantenaire. Oui, on va déjà. J'imagine qu'il y aura des tas de festivités. Oui, mais on va déjà. On va pas en parler. Voilà, on va clore l'édition de cette année, ouais. qui est comme on a pu s'en apercevoir vu les fréquentations, qui est une réussite, en fait, puisqu'on approche les chiffres d'entrée de 2018 qui avait été une bonne année. Voilà. Oui, effectivement. Avec de bonnes surprises. Et l'ambiance aujourd'hui, en plus avec le soleil, montre que NJP est toujours bien vivant. Hein. Oui, mais bon, tu sais pourquoi? Oui, bien sûr. Il y a d'abord une équipe de jeunes, hein, qui travaillent dans ce festival, la succession de Patrick Kader, directeur, programmateur, lui aussi historique, a été assuré par Thibault, et voilà, la greffe a prise, l'équipe est enthousiaste, et puis il y a quelques vieux qui traînent comme ça de temps en temps. Il y en a. Alors quand on voyage en France, mais aussi à l'étranger, qu'on rencontre des musiciens ou des amateurs, Nancy, c'est pour eux, c'est NJP, même s'ils ne connaissent pas, même s'ils sont chefs du flux, c'est NJP. Alors, une question, il n'y a finalement pas beaucoup de festivals dans le monde, j'allais dire, qui ont 49 ans d'existence et qui sont toujours en bonne santé. Il y en a quelques-uns encore. Quelques-uns, bien sûr, ouais. Mais pas tant que ça. Hein. Et puis, non. Ouais, on fait partie des festivals les plus anciens, c'est vrai. Mais il y a toujours le Jazz Jouant les Pins, hein, qui est toujours ancien. Il y a le Montre Jazz Festival, il y a le Festival de Berlin, enfin, il y a quand même pas mal de festivals. Oui, bien sûr. Mais Tourcoing, Festival Jazz Tourcoing. Ouais. Alors, comment on peut expliquer cette longévité à une époque où beaucoup de festivals se plaignent ou disparaissent? Il y a déjà, je pense, le projet, hein, c'est-à-dire de faire une manifestation d'automne, hors vacances, oui. Donc liée à une rentrée universitaire, et qui s'intéresse essentiellement et d'abord au public d'ici, au public local, régional, territorial, puisqu'on va utiliser le mot, avec des actions non seulement de concert, mais également une multitude d'interventions dans des milieux, quartiers, les écoles, et puis une programmation qui couvre le champ à peu près complet des musiques actuelles. Hein, ça va du jazz, du hip-hop, passant par le rock, la chanson. Quelques petites incursions avec des créations, comme celle de lundi soir avec l'orchestre de l'opéra et Clint Eastwood. Voilà, donc c'est une bonne implantation territoriale, intergénérationnelle, multi-activité, et puis quelques personnes de talent qui sont à la tête de ce festival. Je parlais des travailleurs. Alors Tito, une question individuelle et j'allais dire presque égoïste pour finir ce court entretien, parce qu'on sait que ton temps est quand même précieux. Alors, est-ce que ta motivation, en fait, on la connaît, on ne va pas la relater encore et toujours, mais là quand même, sur cette édition-là, qu'est-ce qui t'a plu déjà dans la programmation? Alors, y a déjà la plantation de réussite du chapiteau, enfin des chapiteaux de la pépinière, hein, où depuis les histoires du Covid, on a décidé d'améliorer fortement l'accueil et la visibilité de tout un tas d'actions, des actions de prévention, etc., qui se sont greffées autour du festival. Dans la programmation, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour Chapelier Foot, toujours à la salle Porel. Et puis hier soir, la Anne Passeo. Ah oui, bien sûr. Avant, dernier album, super bien. Voilà. C'était vraiment très bien. Et dans la soirée rap, la jeune femme qui a ouvert la soirée, qui pour moi est un grand choc à la fois visuel et rappeur. Eh bien, merci beaucoup Tito d'être venu nous partager cette expérience à Pulsasso Radio. J'en profite pour vous rappeler que nous sommes en plein cœur de la pépinière pour Pep en fait, que le concert de Brahma vient de commencer au Magic Mirror, qu'il est entièrement gratuit. On vous invite à venir découvrir tout ça et restez bien évidemment à l'écoute de Pulsasso Radio. Dans quelques instants, nous aurons le plaisir de recevoir Nodin autour de la table. Mais on se fait une petite pause musicale juste avant. You inspire me. Oh, I wanna thank you, mama, for all the beauty. jusqu'à 18h, Pulsasso Radio, en direct du Nancy Jazz Pulsation et de la Pépinière en Fête, avec RCN, Déclic, Graffiti, RCL et Fadjet. Et nous venons d'écouter Kalinga avec Mama. Changement d'ambiance désormais car il est 15h30 et quelques. Et nous avons autour de la table Nodin. Bonsoir, bonjour. Bonjour à tous. Tu as joué à 14h aujourd'hui, c'est toi qui as ouvert les concerts du jour. En tout cas, oui, puisque ça commence, oui, je crois que ça commence à 14h. Donc les autres concerts commencent à 14h30 au chapiteau, je crois. Donc effectivement, Magic Mirror, 14h, ouais. Eh ben, déjà bien joué d'avoir ouvert. Alors ouais, pour en découvrir plus sur toi et sur ton univers, eh bien Mathilde et Flo sont avec nous et vont te poser plein de questions. Je les laisse entre leurs mains. Entre nos voix même. Justement, tu viens de monter sur scène, du coup, c'était comment l'ambiance là? C'était bien. Pour une première à 14h, on n'est pas sûr d'avoir du monde, mais là, avec le beau temps, et puis je crois que les gens ont envie de sortir et de voir des concerts, donc, c'était rempli, à peu près rempli, je pense. Public bouillant déjà? Bouillant, public chaud, on va dire. Et pour ce public qui a aimé ce que tu nous as fait, est-ce que tu as d'autres dates de prévues? Alors oui, il y a une date de sortie d'album, enfin l'album sort le 21 octobre, mais il y a une sortie mardi à Paris aux Trois Baudets. Et la prochaine après, c'est le 25 octobre aux Nuits de Champagne à Troyes. Okay. Et il y en a d'autres encore, je sais qu'il y en a dans le coin, je sais qu'il y a Gueulard Plus, j'ai pas toutes les dates en tête, mais ouais, il y a une dizaine de dates à venir, quoi. D'accord. Alors du coup, tu as sorti un son le 30 septembre, si je me trompe pas? Oui, tout à fait, un single, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de ce single? Alors oui, c'est un titre qui s'appelle La Seule Fenêtre, en fait. Donc là, La Seule Fenêtre, c'est la fenêtre du web. En fait, c'est un morceau qui parle de nos addictions et notre dépendance à Internet, en fait. D'accord. Avec une bande originale qui est pas sans rappeler les BO de Western de Ennio Morricone. Oui, justement, on a vu que tu étais un mort du tulle, mais du coup, est-ce que ça fait partie de ton inspiration profonde? Complètement, ouais. Bah, tout l'album Nodin est basé là-dessus, c'est-à-dire qu'on a essayé de créer, on a inventé des musiques de films comme si c'était des musiques de films des années 70, sauf que c'est pas samplé, etc. Tout est joué et tout est inventé, tout est composé en tout cas. D'accord. Est-ce que tu as d'autres inspirations à part les films? Le cinéma des années, on va dire des 55-75, le cinéma des Trente Glorieuses, et puis le rap. Le rap que j'écoutais, celui que j'écoutais dans les années 90, que j'ai un petit peu arrêté d'écouter pour faire une carrière entre guillemets de contrebassiste jazz, que je continue en parallèle. Et puis voilà, il y a un moment où je me suis dit, c'est vrai que je faisais ça déjà avant et j'avais envie de dire plein de choses. Donc j'aurais pu le faire en chanson si j'étais influencé par la chanson. Vraiment, je parle chanson dans la forme, quoi. Mais non, comme j'avais touché au rap il y a quelques temps et que ça me titillait, j'ai décidé de réécrire. D'accord. Donc c'est un mélange de musique de film des années 70 et de rap. Justement, pour ceux qui te découvrent sur le livret, c'est marqué que tu étais contrebassiste. Comment on passe de la contrebasse au rap? Alors ça aurait été plutôt comment on passe du rap à la contrebasse, puisque j'ai, en fait, déjà à l'époque, en 96, je faisais de la guitare et j'étais énormément influencé par les groupes américains de rap qui jouaient avec des instruments, comme par exemple The Roots. Et c'est vraiment un groupe que j'ai beaucoup aimé et eux avaient vraiment un lien direct avec le jazz, chose qui en France était quand même pas répandue du tout. Et donc j'ai toujours voulu mêler le jazz et la musique live au rap. C'est une chose que j'ai faite dans les années 90 en rappant tout seul avec ma guitare et la contrebasse. J'ai toujours aimé, ado, je voulais faire de la contrebasse, j'adorais déjà le jazz et c'est, voilà. Donc du coup j'ai mélangé les deux, c'était assez naturel de mélanger la contrebasse et le rap. Puis là on est sur un festival dans cette Jazz Pulsation, bah, voilà, c'est le mélange parfait. Exactement. Et est-ce que du coup maintenant, actuellement, tu es consommateur de rap? Pas énormément. Ouais. Non, pas énormément. Dans les choses qui se font, après voilà, moi j'ai la quarantaine, donc j'écoute les mecs qui ont quand même à peu près mon âge. C'est-à-dire que je suis grand fan de Youssoupha, j'adore son écriture. Je trouve que c'est vraiment. Il a une punchline sur toutes les deux phrases. Voilà, et puis j'aime Orelsan. Alors si, dans ce qui se fait, j'aime beaucoup Benjamin Epps. Voilà, Benjamin Epps, voilà, il est, parce que il fait du boom bap, quoi. Il fait pas de la trappe. Les trucs trap, non, j'avoue que je j'écoute pas trop, je dénigre pas ou quoi que ce soit, mais ça me parle pas énormément. Ouais, Benjamin Epps, qui est actuellement une étoile montante en réalité. Complètement, ouais. Hein. Et j'aime beaucoup puisqu'il a aussi un univers énormément cinématographique. Ouais, quoi. Ouais, il a influencé par les films de Tarantino, etc. Ouais, j'aime bien Benjamin Epps. Il est d'ailleurs passé au NJP l'année dernière. Exactement. Ouais. T'as été le voir ? Non. Non. Je vais assez peu au concert finalement. C'est la première fois au NJP ? Non, j'ai déjà joué plein de fois à NJP, mais avec Naudin, oui, c'est la première fois puisque le projet est assez récent. Mmh. Mais l'année dernière, j'ai eu la chance d'accompagner sur 6 dates en Lorraine, via NJP, Gunhild Carling, qui est une artiste de jazz suédoise internationale qui joue du trombone et de la trompette. Et j'étais dans l'équipe d'accompagnement. Et puis, je suis un ancien. Pas pure souche parce que j'habitais à côté, mais j'ai toujours tous les groupes que j'ai eus depuis une vingtaine d'années ont joué au moins une année sur deux à NJP. Comment voilà. Ça, tous les groupes, t'as fait d'autres projets ? Ah oui, moi, comme je te dis, j'ai la quarantaine, je suis professionnel depuis 17 ans maintenant, l'année dernière c'était Gunhild Carling, l'année d'avant c'était New Orleans Hot Six, qui est un groupe de jazz plus traditionnel. On a fait en 2006, c'est ce que je disais avec les collègues que j'ai invités, on a fait un groupe qui s'appelait Alternative Quartet. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai présenté un projet qui s'appelait CE2 Polar aussi, qui est un trio de jazz qui était influencé par les musiques de films des années 70. Et il y a 5 ans, j'ai fait une date à Poirel avec un autre projet sous mon nom, qui était Mathieu Loigereau Quartet, puisque c'est mon nom. Et là, c'était un projet autour des chanteurs de jazz et de la contrebasse. Donc, c'est un projet qui reprenait Sinatra, Nat King Cole, à la contrebasse. Je sais pas si c'est l'artiste qui est le plus passé, mais je pense que c'est l'artiste qui est passé avec le plus de groupes différents. Franchement, je suis passé là, quand même. On a un des recordman du NJP. Et comment tu t'es lancé dans le rap, en fait, en réalité ? Dans le rap, c'est un peu accidentel. C'était en fait un groupe qui s'appelait Manix dans les années 90 à Nancy. Ils cherchaient un rappeur pour faire justement un truc de jazz rap. Et moi je connaissais le bassiste et je voulais prendre des cours de basse avec lui. Et il m'a dit on cherche un rappeur. Et puis moi j'écrivais déjà des textes comme ça parce que ça m'inspirait, j'avais écouté The Roots, etc. Donc il m'a dit ouais viens. Alors je dis moi je sais pas rapper. Et puis j'ai commencé à écrire. Et puis c'était quand même un certain âge d'or du rap dans les années 90 avec IAM, les deux balles de Neg, les X-Men, etc. Tous ces groupes de rap français, boom bap qui étaient vraiment bien, Oxmo Puccino. Moi j'étais à fond dans cette mouvance là. C'était je pense l'âge d'or du rap en réalité. En tout cas, je sais pas. Voilà, pour moi en tout cas c'était un certain âge d'or du rap, donc il y avait énormément de choses qui sortaient et qui étaient vraiment géniales, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste avant de nous quitter rappeler tes réseaux sociaux? Alors je suis assez mauvais là-dedans. La question piège, la voici. Alors je crois que le Facebook s'appelle Naudin Group, je vais vous dire ça tout de suite si j'ai... Et maintenant est-ce que tu peux nous dire si tu reviendras au NJP? Il faut demander au programmateur, mais j'espère bien revenir au NJP. Naudin ou sous un autre format encore. Exactement. Ouais. Naudin, on le rappelle donc NAUDIN. Tout à fait. Ouais. Pour retrouver donc sur les réseaux. Merci beaucoup de nous avoir fait voyager. Justement, dans quelques minutes, on va revoyager dans le temps pour remonter à vendredi pour parler du groupe Mancunes. Il est 15h43. On écoute de la musique sur Pulsasso Radio. On se retrouve juste après. Facile d'écrire que de dire, de parler de ses faiblesses dans les livres. Mais j'ai pas le bon courant en ligne de mire, et c'est dans mes lyrics que je me livre. J'ai mal au cœur, ça m'appuie sur la poitrine, surplus d'adrénaline. Je mène ma vie à la badine, j'ai besoin de vacances même à la madine. Ouais, je suis angoissé, mes tifs tombent, dans 10 ans je finis rasé. Je suis dépressif comme dans cette fiction d'action de Boissé. Je me dis qu'il faut que les choses changent, comme quand je regarde dans la glace de ma chambre, quand je vois mon ventre à la lumière blanche, et je comprends pourquoi ma silhouette penche. Mais contre nous y'a un truc de cassé, un truc qui pourra pas se réparer, ouais. Même en deux heures dans un shop de portable ou bien dans une boutique de PC. Tu sais que je te regrette poto, je suis désolé de t'avoir tourné le dos. Mais t'es devenu mégalo depuis que t'as le nez dans la coco. Mec ce serait bien que tu m'envoies l'ascenseur quand on entame une conversation. Mec je suis pas ton psy mon pote, si tu veux qu'on garde notre relation, attention. Mec c'est que d'un tu parles que toi, tu me dégoûtes, je peux plus du câble, le son aigu de ta voix. Je m'en bats les couilles de tes wicks et non sa voix. Je demande pas le monde que tu te moques, ça va. proches, les frères, les potes, les amis. Les mecs, les frères, les potes, les amis. Les mecs, les frères, les potes, les amis. Les mecs, les frères, les potes, les amis. J'ai plus de 2000 amis, y'a pas ton sur le réseau bouffant le temps, les plus de 30 ans qui fait tout pour moi derrière leur écran, mais qui seront jamais là lors de mon déménagement. Les époques passent, les potes s'amassent, mais seuls les vrais amis restent. Ouais, de beaux mots se disent, ok, mais les liens se tissent et se prouvent par les gestes. Les personnes bougent, les ranges, les plus fidèles se manifestent. Ouais, on change, et parfois on porte l'autre côté de la veste. Ouais, je te parle d'un temps révolu, on avait des vies dissolues, mais c'est évolu. Certains s'y sont perdus et je compte plus les copains qu'on a jamais revus. Ouais, on sortait à 5, jamais entendait, on préparait nos échappées urbaines avec 10 joints et 3 bouteilles pour être bien zen. On boit tous les week-ends pendant 2 piges la même rengaine. Vilaine période vaine, j'en retiens rien, il me reste que la couffaine. J'en ai fait des trucs dégueu dangereux avec mes potes, des conneries pêle-mêle à l'appel. Mais c'était pas le moment ni le jour pour mes funérailles ni pour la messe en gospel. J'ai failli tomber de haut, mon étoile a répondu présent à l'appel et m'a donné une solide corde pour pouvoir descendre en rappel. Les mecs, les frères, les potes, les amis. Les mecs, les frères, les potes, les amis. Les mecs, les frères, les potes, les amis. Les mecs, les frères, les potes, les amis. Pulsasso Radio, en direct du NJP de la Pépé en Fête avec RCN, Déclic, Graffiti, RCL et Fadjet. Et oui, il est 15h47 et même si toutes les infos vous ont été rappelées, j'en profite pour vous dire que nous sommes au parc de la Pépinière, qu'il fait un temps merveilleux. Je me suis habillé trop chaudement pour cette journée, voilà, je l'avoue, il fait beaucoup trop chaud pour moi, mais ce beau temps, il motive les Nancéens à venir à la Pépinière découvrir tous les concerts proposés dans le cadre de cette Pép en Fête au Nancy Jazz Pulsation. Mais des concerts, il n'y en a pas que le dimanche, il y en a et bien sûr 2 semaines, et ça tombe bien car vendredi soir il y avait des concerts. C'est fou, Flo qui a été à leur rencontre. Il s'agit de Menkins et on écoute ça tout de suite sur Pulsasso Radio. Je suis avec Menkins, bonjour. Bonjour. Salut. Alors, comment ça va et est-ce que c'est la première fois que vous venez à Nancy pour jouer? Ça va très bien, merci. Non, en réalité, c'est pas la première fois qu'on vient à Nancy. C'est la première fois pour ce festival, mais sinon on est déjà venu 2 fois avant. Donc c'est la première fois à l'autre canal, avec The Jack, la première fois en 2017, un groupe d'anglais qui sont devenus nos amis. Et la deuxième fois, c'était pour la tournée du prix Icar et Salive avec Isaac Delusion et Midolid en 2018. D'accord. Et du coup, le NJP, est-ce que vous connaissez le festival et puis est-ce que c'était un choix artistique de venir ici? Alors, pour être honnête, non. Enfin, j'avais déjà entendu le nom, Nancy Jazz Pulsation, mais je croyais que c'était un festival de jazz vraiment, tu vois, comme, je sais pas, imaginons Marciac ou des trucs comme ça. Et en fait, ce que j'ai cru comprendre, c'est plus éclectique que juste jazz, comme d'autres festivals où il y a rock dans le nom, mais en réalité, retrouve comme Montreux, du coup. Comme Montreux. Comme Montreux Jazz Festival, où ouais. En fait, t'as des groupes de rock dans tous les sens, l'électronique, enfin, l'électronique, Montreux. Ouais. Voilà, c'est le petit Montreux ici. Ouais. Ben voilà, donc on est le petit Nirvana du coup. Il y avait une Nirvana dans la Ben, ça fait plaisir. Et justement, le NJP, donc c'est un mélange de un peu de toutes les cultures musicales. Et vous, comment vous définirez votre culture ou votre style musical? On fait principalement de la musique rock avec des guitares, des batteries, des basses, des voix. Mais on fait aussi beaucoup de synthétiseurs depuis quelques temps. Et du coup, avec ça, on s'est beaucoup rapproché de la musique psychédélique, du space rock, de ce genre de choses. Mais ouais, on fait un truc assez large finalement, beaucoup d'influences différentes. J'aimerais revenir un peu à vos débuts et savoir comment le groupe, vous vous êtes rencontré, comment ça s'est formé. Du coup, le groupe, c'est, enfin, le groupe, le, ce, oui, ce groupe a commencé en 2013, mais à l'époque, c'était pas vraiment un groupe. C'était des morceaux que j'écrivais seul à l'époque où je suis parti au Pays de Galles, en Angleterre. Et à mon retour, du coup, j'ai formé un groupe avec d'autres gens qui voulaient faire de la musique. Et la suite, de fil en aiguille, parce que si tu veux, au départ, les... moi et Félix et Hugo, bassiste et guitariste, claviériste, on n'était même pas dans le groupe au tout début, tu vois. On est arrivé plus tard, mais c'est ça en fait, de fil en aiguille, il y a des gens qui sont partis, d'autres qui sont arrivés et tout. Puis là, ça fait quelques temps où c'est cette formule-là, sans bouger. Et dans cette formule, on écrit, c'est plus collaboratif qu'au tout début où c'était juste Adrien. Maintenant, il apporte toujours une base quand même, ce qui est normal vu que l'identité lui appartient, en tout cas le début presque, tu vois. C'est important d'avoir toujours ce même point de départ, mais c'est plus collaboratif dans l'écriture en studio et tout. D'accord. Et justement, la composition, comment ça se passe un peu plus profondément? Est-ce qu'il y a vraiment... c'est chacun ramène des morceaux différents, ouais, avec ses influences? Comme Greg a dit, en fait, ça a beaucoup bougé avec le temps, c'est-à-dire que à l'origine, comme je te disais, c'était vraiment, c'était presque un projet solo initialement, tu vois, et en amenant des gens, c'est devenu un groupe, et plus le temps passe, plus ce truc de groupe fait sens, je trouve, c'est-à-dire que là, maintenant, on est complètement sur de l'écriture quasiment, combien de mains on a, 80 personnes, 8, à 8 mains, voilà, et c'est quasiment ça maintenant, tu vois, et c'est super plaisant d'arriver à ce schéma où quasiment tout le monde écrit et collabore pour produire un truc ensemble. Et justement, du coup, ces collaborations, elles sont fructueuses. Vous avez sorti beaucoup de projets. Par projet, tu veux dire quoi? Single, album. Ah et... oui. Ah bah oui, quand même, ouais, parce que. Attends, excuse-moi, je suis un peu débile, je pose ça. Ouais, on a sorti. Au départ, il y a eu un EP de Mankins, voire même un album fantôme, tu vois, donc il y avait déjà de la matière. Puis ensuite, un deuxième EP, puis un premier album, puis un EP pour relier au deuxième album, tu vois. Donc au final, ça fait quand même, sachant que pour chaque disque, t'écris plus que ce que tu sors, oui, toujours. Ça fait beaucoup de matière, tu vois. Et là, on a encore des trucs en stock, entre guillemets, et puis des trucs qu'on n'a pas utilisés, qu'on n'utilisera peut-être jamais, tu vois. Donc oui, je pense que c'est quand même fructueux. Après, c'est aussi du tâtonnage, tu vois. Il y a des trucs qui sont nécessaires de faire pour les jeter, tu vois. C'est nécessaire de les sortir pour pouvoir s'en débarrasser. Et faut se faire confiance quand t'as pas envie d'utiliser un truc. Tu l'utilises pas, comme faut un peu de la rigueur pour utiliser un truc, alors que tu te dis non mais je pourrais faire mieux, machin, il faut vraiment sortir, tu vois. Donc oui, c'est fructueux, je pense que ça marche bien. Et justement, quand on est 4 personnes comme ça qui composent et qu'on a des dizaines de morceaux en stock, comme tu as dit, comment on fait pour trier et sélectionner lesquels on va mettre dans un projet et lesquels on va essayer l'argent. L'argent, la SACEM, tu te dis bon, lequel va vraiment me rapporter le plus, parce qu'il faut savoir que un morceau peut te rapporter. Non, j'arrête. Non, c'est pas du tout l'argent. Attends. Du coup, je me suis dit, je vais sortir ma connerie, ça va être trop marrant, et j'ai oublié ta question. Non, pas de soucis, en fait, je demandais comment on se met d'accord pour savoir quel morceau on va sortir sur le projet et quel morceau on sortira pas. À 4, tu veux dire? Oui. Ah, ouais. J'ai peut-être une réponse à ça. Sur le deuxième album, on a eu pas mal cette question, tu vois. Et je crois que le truc qui a vraiment fait le tri, c'est comment les chansons communiquent entre elles. sur un plus grand support, c'est un album, tu vois. C'est pas juste est-ce que telle chanson te plaît plus qu'une autre, c'est au final est-ce que tous ces morceaux servent cet album et marchent avec les autres. Est-ce que ça raconte un truc plus gros que juste ce qu'elles sont en elles-mêmes si tu les écoutes seules. Je crois que pour nous c'est un peu ce qui a fait le tri de la manière la plus simple, tu vois. D'accord. Alors, on vous retrouve à NJP, mais est-ce qu'il y a d'autres dates, d'autres événements où on peut vous retrouver et puis si on veut vous suivre. Bah en plus là notre tournée d'automne commence cette semaine et on fait un peu toute la France, donc j'ai plus la liste en tête, mais il y a Big Fat Band et c'est Mathilde qui prend l'antenne, beaucoup de villes, c'est Mathilde qui prend l'antenne, dates sur octobre je crois, ouais. Faudra aller voir sur les réseaux sociaux. Bah justement, bah, si on veut vous suivre, pour ceux qui ne vous connaissent pas, où est-ce qu'on peut vous trouver? Facebook, Instagram, Twitter aussi. Et du coup, je précise qu'on a une orthographe vraiment pourrie du nom de groupe, qui est MNNQNS. Ouais, il faut écrire ça pour nous trouver. Et pourquoi cet orthographe, justement? C'est le choix de qui? Alors, ça a été mon choix. C'était une façon de pouvoir être trouvé sur Internet, en fait, parce que Mankins en toutes lettres, à la base, on s'appelait Mankins en toutes lettres, comme on a commencé. En fait, on a enlevé les voyelles parce que c'était impossible, si tu marquais Mankins, tu vois, dans Google, de tomber sur le groupe. Donc, on a enlevé ces voyelles et au final, on s'est rendu compte que c'était pas tant une bonne idée que ça parce que personne n'arrive à prononcer le nom du groupe. Voilà. Nous non plus, on n'y arrive plus. Bah, merci beaucoup de nous avoir reçus. Puis on vous souhaite un bon concert. Et puis, merci. Ah non, mais j'ai encore une dernière question, pardon. Oui. Est-ce que vous avez d'autres projets qui vont sortir? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en préparation actuellement? Ah bah oui, on pense forcément à notre troisième album qu'on est en train d'écrire en fait continuellement, qui sera encore une fois à mon avis différent de ce qu'on a fait jusqu'alors, mais intéressant, dans un développement logique à mon avis, qui sera mieux oui. Il sera moins bien, mais quand même pas si mal, parce que c'est bien passable mais audible, bien mais pas top. Donc cet album 3, forcément on y pense, puis on aimerait bien aussi faire un projet où tu sais, il y a beaucoup de facettes dans notre groupe. C'est peut-être un peu prétentieux de dire un truc pareil, mais il y a plusieurs pans qu'on aime bien développer suivant les périodes. Et on a en tête de créer un truc. Donc on ne sait pas exactement sous quelle forme, peut-être de la vidéo, tu vois, ou en tout cas un truc live où on jouerait avec des saxophonistes et aussi avec notre modulaire, notre synthé modulaire qu'on a construit avec Robin, notre ingénieur du son, donc sur scène, tu vois. Donc on serait plus de monde sur scène et ça serait genre une version, une autre version du groupe, donc plus grande avec plus de musiciens. Et du coup d'autres morceaux qu'on n'a jamais vraiment sortis. Peut-être un qui est. Enfin il y en a un qui est sur le dernier album, mais tu vois des morceaux et avec une esthétique encore plus. Enfin un truc poussé vraiment dans la transition. J'allais dire la noirceur, mais c'est pas tant noir que ça, c'est juste dans l'expérimentation musicale, même autant acoustique que. Enfin je dirais peut-être autant organique qu'électronique, tu vois. Ça va mélanger les deux et ça sera un peu bizarre, sale et tout, tu vois. Déjà trois saxophonistes. Combien? Enfin le saxophone ça peut être vraiment sale comme instrument, tu vois. Et là on va aller loin dans cette idée là, tu vois. Et ben j'espère qu'on pourra voir tout ça au NJP l'année prochaine. Ah bah, avec plaisir, je pense que ce serait parfait. Ah ça marcherait carrément ici, ouais. Et ben le message est passé. Voilà. Ben, merci beaucoup de nous avoir reçus. Du coup je rappelle, vos réseaux sociaux c'est MNNQNS et c'est Mankins, le bon nom du groupe. Voilà. Exactement, merci beaucoup. Merci à toi. À vous, au revoir. Et merci à Flo pour cette interview. Retour au présent, retour au direct. Il est 15h58, vous écoutez toujours Pulsasso, nous sommes toujours en plein cœur de cette PEP en fait, parc de la Pépinière de Nancy. Il fait beau, il fait chaud et les musiques s'enchaînent. Dans quelques instants, nous recevrons le Big Fat Band autour de la table, mais juste avant, on va faire une petite pause musicale et juste ensuite, c'est la voix de la douce Mathilde qui vous accompagnera pendant une heure sur Pulsasso Radio. We'll be right back. écran total, les gens se régalent. La ville est à